Je me Hey, ça va promenais dans la forêt, c'était presque parfait, pis v'là tu pas des bébites. You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien! It's all for you! We'll tear your soul apart! They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Hey, salut tout le monde! Ici Vicky Langlois en remplaçant de Sébastien Bouchard, qui n'est pas là avec nous ce soir. Vous écoutez Horror Gamer, le show numéro... La seule chose que j'ai pas noté dans mon intro, j'ai posé plein de questions avant de commencer, mais j'ai pas noté le numéro du show. Alors les gars, est-ce que vous l'avez en tête, vous? 103. Show numéro... Ben... 103? 103. Je pensais que tu voulais plus dire le numéro 1 du web, mais non, en fait, c'est autre chose. Ah, aussi! L'épisode 103 du show numéro 1 du web, ça te va-tu, Steven? Ah oui, là, je suis satisfait, c'est cool, ça. Alors, nous voici en 2018. Bonne année, les gars! Bonne année! Est-ce que vous avez bien fêté, là? Hey, j'ai bu, puis j'ai rien fait. C'était dans génial. Le fond de la routine. Alors, j'ai écouté le 23, j'étais en congé, vous l'avez vu sur ceux qui me suivent sur Facebook. Le 23, j'étais en congé, puis j'ai écouté 6 films de suite. J'ai fait que ça de ma journée. Ça, c'est le fun. Ça, c'est des belles journées à mes yeux. Hey, ça fait du bien, là. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Et toi, Jean-François? On a reçu la visite ici à la maison, puis on a bu, puis on s'est amusé, puis on a bien mangé, puis tout. Fait que c'était le fun. Cool. Oui. Good. Alors, comme à chaque épisode, on se demande toujours quel film dont on a envie de parler. Et dans mes 6 films, j'avais vu des films d'horreur, entre autres. Fait que j'ai dit au gars, ben moi, j'ai vu tel et tel film. Peut-être qu'on serait capable de trouver une idée là-dessus. Et j'avais proposé le film Life. Et ensuite, on s'est dit, bon, on va juste faire des films récents dont on n'a pas parlé ou très peu parlé ou très peu entendu parler. Donc, le premier choix était Life de 2017 et le deuxième, A Dark Song de 2016. Je ne sais pas si toi, Steven, c'est ça, d'habitude, toi, Steven, t'es plus tricky. Non, c'est parce que 2016, mais en guillemets, en 2016, le film a fait quelques festivals, fait que c'était pratiquement impossible pour les gens de le voir, fait que c'est pas mal 2017 au bout du compte, là. Oui, parce que souvent, c'est ça, c'est que les dates IMDB nous sortent les premières dates possibles de l'avoir vu, mais après ça, on peut aller dans les détails, creuser un peu. Mais si vous voulez savoir, si vous voulez le trouver sur IMDB, vous allez trouver A Dark Song de 2016. Alors, on va commencer tout de suite avec le film Life, mais tout de suite après la madame qui crie. Mais d'abord, les gars, j'ai des souhaits pour vous en 2018. J'ai un souhait chacun. J'ai préparé ça dans la douche avant de commencer le show. Alors, dans la douche, comment t'as fait pour écrire ça dans la douche? Avec mon nez. OK. Steven, je te souhaite un truc bizarre pour 2018, mais je te souhaite qu'il y ait au moins 10 auditeurs différents qui viennent te voir et que tu leur as fait découvrir un film asiatique. Écoute, je trouve ça vraiment ça, mais 10, c'est beaucoup. Mais OK, c'est beaucoup, ouais. J'aimerais ça. Ouais. Un par mois. Fait que si vous avez écouté des films asiatiques grâce à Steven cette année, écrivez-lui pour dire que vous avez aimé ou pas, mais juste que vous aviez fait le choix d'écouter une suggestion à Steven. Parce qu'il y a toujours des suggestions, j'ai envie de dire tirées par les cheveux, mais sans la connotation négative, tu sais, qui est allé pêcher à quelque part, on est comme, ah, oh, il y a juste Steven pour qu'il sorte ça. Fait que j'ai envie qu'il y ait au moins 10 auditeurs qui me disent ça cette année. Merci Steven, tu m'as fait écouter tel film. Ah, merci, c'est le fun, ça. Tu sais, si c'était Fantasia, c'est possible. Tu sais, que tu aies 10 personnes quand même dans un festival. Ouais, je te dirais que ça serait pas mal l'événement le plus facile pour rencontrer des gens qui vont me remercier pour ça. Là. Mais parce qu'à chaque année, tu nous arrives. J'ai toujours pas écouté votre épisode de Noël, désolé. J'écoutais des films. Mais tu sais, t'as parlé beaucoup de. C'est quoi le film de Noël que vous avez écouté? Le récent que Better Watch Out. Tu sais, le film, tu l'as mis en lumière. Maintenant, j'en entends parler. Maintenant, je le vois. Mais c'est vraiment toi qui m'en as parlé pour la première fois puis qui m'a mis l'existence de ce film-là devant les yeux. Donc, j'espère que tu vas donner le goût aux gens d'écouter des films cette année. T'as-tu écouté la version spoiler? Hein? T'as-tu écouté la section spoiler? J'ai pas écouté l'épisode. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ah, mais. C'est ça, fais attention parce qu'il y a des spoilers, puis il faudrait juste pas que tu les saches. Peut-être écouter le film avant. OK. Puis écoute pas la bande-annonce. Ouais, surtout pas. Non, j'écoute jamais de bande-annonce de film, okay. Justement pour ces raisons-là. Et je me suis rendu compte aussi que j'ai des belles surprises dans les films en n'écoutant pas les bandes-annonces. Ben, écoute, je vais profiter de ton souhait pour plugger un petit truc. Là, ça va prendre juste deux petites secondes. Non, vas-y. Mais j'en avais parlé durant le Fantasia. Je vais en reparler prochainement dans un autre épisode de Séance de minuit. Mais mon coup de cœur du Fantasia cet été, c'était Tragedy Girls. C'est un film qu'on n'a pas pu entendre beaucoup parler en 2017 pour la simple raison qu'il jouait juste aux États et dans quelques cinémas. Mais en 2018, il sort sur VOD fin janvier, puis en Blu-ray début février, puis j'ai l'impression que c'est un film qui va se faire beaucoup parler, et moi je le recommande beaucoup, beaucoup, fait que surveillez ça, c'est sans doute un film qui va venir vous chercher cette année. Nice! Tu vois, déjà un titre, fait que s'il y a une personne qui l'écoute, une seule, on a gagné un point. Et j'ai des souhaits aussi pour GF. GF, mon souhait pour toi en 2018, c'est que tu nous apportes encore des livres, autant horreur que des livres reliés au monde de l'horreur, et que tu nous arrives, peut-être pas en nous donnant l'idée de lire, parce que je sais que les gens ont plus de difficultés à se plonger dans le livre, mais que ouais. Tu nous arrives avec cette recherche d'informations de « j'ai lu le livre et voici ce qu'il y en est ». Et je pense que ça attire énormément la curiosité, et moi, en tant qu'auditrice, c'est quelque chose qui me plaît de dire « Hey, j'irai peut-être pas le lire, toutes les Dark Tower de Stephen King, mais entendre JF en parler avec passion et nous dire « Regardez ce qu'il y en est », ben je te souhaite en 2018 de découvrir encore autant de romans qui est relié de près ou de loin au monde de l'horreur et nous donner envie. On avait fait un épisode avec Sweet Charlotte, et à cause d'une série télé, et t'avais lu en plus des livres, donc tu nous avais comme amené dans un univers complet, et je souhaite en 2018 que tu nous découvres encore des petits univers comme ça, que ce soit le Hollywood des années 50 ou la Russie des années 20, que tu puisses trouver des petits chefs-d'œuvre d'univers qu'on peut gratter le temps d'un épisode. Alors, je te souhaite de nous en... Ben merci beaucoup, puis je suis quelqu'un qui... Il est chialeux, mais en même temps, qui est à la fois très curieux. Fait que, je suis peut-être grincheux des fois, mais je suis très curieux pour bien des affaires. T'sais. Des fois, je regarde une bande-annonce, ça a l'air poche, comme la bande-annonce de Slenderman. Je suis comme, ça a l'air poche, mais d'autres affaires que je suis comme, ah, t'as trop l'air trippable, je fais des liens de telle affaire, puis je capote. Puis je trouve pas. T'es pas si grincheux, je trouve, parce que la bande-annonce de Slenderman, c'est vrai qu'elle est poche. Mais tu sais, je trouve pas que j'ai fait une si bonne job que ça de décrire la série de Dark Tower. J'aurais pu en parler pendant des heures, puis comment j'ai tombé en amour avec ces personnages-là, puis j'étais plongé là-dedans pendant 6 mois de temps, là, tu sais. Mais non, c'est pas la place non plus Horror Game Off, et je veux pas non plus prendre trop de temps. Puis, Je pense que cette petite goutte-là que tu mets dans un épisode, la phrase que tu viens de dire... Quelqu'un qui est comme « Ah, oh, c'est Dark Tower, j'aime Stephen King, mais ça a l'air énorme. » Mais t'as le GF qui vient juste de mettre une petite goutte en disant « Oui, mais j'ai adoré les personnages, les styles et ça. » Tu fais « Hey, gang, peut-être que j'ai envie d'aller là-dedans. » Oui, mais là, pour l'instant, je pourrais pas vous conseiller grand-chose. J'ai lu un livre qui a rapport à la petite maison dans la prairie. Fait que c'est la vraie histoire de Laura Ingalls. Ça, c'est terrifiant. Oui. Non, mais c'est tout un univers, par exemple. Oh que oui. Alors, on va-tu à la petite madame qui crie, les gars? Oui. Yeah. Et voilà. Alors, on commence ce tout premier épisode de 2018 avec le film Life. C'est un film de 2017 que beaucoup ont dit un rip-off d'Alien. On en reparlera, on le critiquera à ce niveau-là. Moi, je vais faire plus un synopsis. Un équipage qui sont envoyés en satellite autour de la Terre et ils doivent récupérer de la Terre, de la planète Mars, pour savoir si les cellules peuvent être dans des conditions idéales, peuvent revenir à la vie et créer une forme de vie. Et ce n'est pas un spoiler, ils réussissent l'expérience, ils réussissent à redonner vie à des cellules qui deviennent une espèce d'entité intelligente, physique, dont chaque... partie et autant muscle que réflexion. Je pense que c'est quand même important de savoir que cette créature-là est très brillante, une très bonne capacité d'adaptation et très forte. Alors, l'équipage se retrouve pris dans le vaisseau avec cette créature-là. Et la question est, est-ce qu'on... Ils font tout, en fait, pour ne pas retourner sur Terre, pour ne pas amener la créature sur Terre, mais c'est de savoir, est-ce qu'on est capable de nous se sauver de cette créature et est-ce qu'on est capable de survivre et de juste l'envoyer dans l'univers. Et ils se battent de cette façon, tout l'équipage, contre cette bébite qu'on appelle Calvin. Et j'envoie JF sur la première critique du film Life. D'abord, est-ce que le film, toi, il était vraiment passé sous ton radar ou tu avais vu des bandes annonces ou tu l'avais vu passer? Ah non, je pense que j'avais vu une affiche ou quelque chose, mais non, j'avais complètement oublié que ça existait, cette affaire-là. Aussitôt vu l'affiche, aussitôt oublié. Là, mais, ouais. On n'a pas dit, mais c'est avec les deux seuls acteurs que je connais dedans, c'est Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds. Deadpool. Je suis plus capable d'y voir la face sans penser à Deadpool, c'est drôle. Moi, je pense que vu que le film est un peu un body count movie, vous allez avoir quelques spoilers de qui meurt. Je pense qu'on peut pas vraiment éviter de parler du film. C'est sûr que ouais, je sais pas, on va-tu parler des morts? Parce que c'est comme un slasher, c'est comme Alien un peu, comme tu disais. Là, ben, c'est ça. Ben, en tout cas, je pense qu'on va voir en cours de route, en fait. OK. Peut-être qu'on peut taire les morts tout en parlant. Ce qu'on peut... Je pense pas que ça soit nécessaire de mentionner. Le scientifique ou bien personne. Ah ouais, l'ingénieur, le mécanique. OK. Est-ce que le noir meurt en premier? C'est quand même assez diversifié comme cast. T'as un japonais, t'as une russe, t'as un noir. Ouais. Ben, c'est ça. C'est représentatif aussi des missions spatiales. Ouais, ben, c'est ça. C'est sur la station spatiale. T'as dit qu'il est en satellite. C'est sur la station spatiale internationale. Moi, j'ai trouvé ça divertissant. Mon résumé, en gros, j'ai trouvé ça divertissant. Mais tu dis que la créature est intelligente, oui, mais je pense que c'est parce que les personnages autour prennent des décisions connes le trois quarts du temps, fait qu'apparaît encore plus intelligente, tu sais. Ils prennent des décisions que tu fais, mais voyons, pourquoi tu fais ça? Je suis pas un scientifique, mais il me semble que je ferais pas ça. En tout cas, j'ai vu quelqu'un en ligne le décrire comme Gravity rencontre Aliens, puis c'était vraiment ça pour moi, là. Pas Aliens avec un S. Merci de voler mon terre. C'est ça que je voulais dire. Parce que c'est vraiment ça, c'est Gravity versus Gravity et Aliens ensemble. Tu sais. Ouais. Gravity n'est pas un film sur lequel j'ai capoté, mais tant qu'à ça, je préfère Gravity qu'à Life, je pense. C'est ça, tu sais, je trouve divertissant, puis j'étais quand même, j'écoutais dans des bonnes conditions, c'est dans le noir, avec mes écouteurs, ses oreilles, puis tout, puis j'étais relativement stressé, pas tant que ça non plus, là, tu sais, c'est moyen, là, comme petit film du genre, là, tu sais, du genre bébite dans l'espace qui décime tout le monde, là, tu sais, il y en a des meilleurs que ça, oui, ça s'écoute bien, c'est le fun, c'est divertissant, j'arrête pas de le dire, c'est divertissant, t'es sur le bout de ton siège un peu tout le long, là, tu sais, mais... Puis à la fin, il y a un genre de twist là, que t'es pas supposé voir venir, mais tu peux un petit peu deviner là, que ça va se passer de même. Puis à la fin, ben, tu dis, OK, c'est beau, je l'ai vu, puis je ne l'enverrai peut-être plus jamais, mais c'était correct pendant l'heure et demie, l'heure 40 que ça a duré. Là. C'était un peu ça mon opinion. Là, t'sais. En gros, on va continuer d'en parler plus, mais vous autres, qu'en avez-vous pensé? Ben, je laisserai Steven continuer. Écoute, moi j'ai vu ce film-là après Alien Covenant, mais oui, je n'avais entendu parler parce qu'il y a eu quand même des grosses pubs au Super Bowl, puis pas que j'écoute le Super Bowl, mais la plupart des gens vont regarder cet événement-là pour des pubs. Y a-t-il des films dont qui sortent dont t'as pas entendu parler, tu sais? Tu te tiens quand même au courant de tout. C'est rare parce que je m'arrange pour me tenir au courant de qu'est-ce qui fait le buzz ou qu'est-ce qui marche dans les festivals, fait que je te dirais que je suis quand même assez d'actualité là-dessus. Puis tu sais, Life, c'est un film qui m'intéressait sans plus. Faut dire que c'est peut-être une des raisons pour laquelle que le film n'a pas tant marché au box-office puis qui a, en guillemets, passé inaperçu, comme Vicky disait, parce que je crois que depuis que le film est sorti en Blu-ray, pratiquement tout le monde l'a vu maintenant. Mais au cinéma, il s'est fait un petit peu, je dirais pas boudé, mais peut-être, à cause de Alien Covenant, tout le monde voulait voir Alien, puis là, on se dit « Ah, oh, ça a juste l'air d'un rip-off d'Alien », puis par hasard, ça sort à peu près dans le même temps. Puis moi, quand je suis allé voir Alien Covenant, c'est plus une surprise, là, mais ça a été ma plus grosse déception de l'année. Je suis sorti du cinéma vraiment fru. J'ai pas eu ce que ça promettait. J'ai pas eu mon bon film d'Alien. J'ai eu un mauvais film d'Alien puis une bonne suite de Prometheus. Fait que j'étais satisfait et très insatisfait en même temps. Et Life, mais je te dirais que c'est la meilleure alternative pour ceux qui n'ont pas aimé Alien Covenant. Live, c'est un bon Alien. Oui, c'est un rip-off d'Alien mélangé avec Gravity. On dit Gravity surtout pour l'aspect technique, parce que je trouve que Live, c'est solide. Là. Au début, là, la présentation des personnages, c'est quasiment des plans-séquences qui se promènent dans le vaisseau, qui fait beaucoup penser à Gravity. Puis il y a évidemment des situations qui sont vraiment proches de Gravity, notamment la finale, je trouve. Question pour toi, est-ce que tu sais, est-ce qu'ils étaient en apesanteur tout le long, les acteurs, ou c'est des harnais? Là-dessus, j'ai pas écouté les Special Features. Ça aurait été intéressant de le savoir, mais je pourrais pas te répondre. Parce qu'ils sont vraiment en apesanteur tout le long du film. Il n'y a pas une seule fois qu'ils sont en gravité. Là, t'sais, sont... Mm. Pas une seule fois. Non. Je sais pas. C'est quelque chose qu'il faudrait vérifier par la suite. Maintenant, tu me dis ça, ça m'a curieux. Si c'est le cas, ça prendrait un training spécial pour les acteurs. Là, parce que quand tu es en apesanteur tout le long, tes os et tout ça, ça réagit pas de la même manière. Là, non, ben ouais. Quand il y a des films qui tournent réellement en apesanteur, ils suivent des cours. Tu sais, exemple, il y a eu The Mummy cette année avec Tom Cruise, où il y a la scène dans l'avion. Ben, l'actrice et Tom Cruise ont réellement fait les cascades en apesanteur puis ont dû se pratiquer pour ça. Fait que, tu sais, j'imagine que ça devait être possible pour Life, mais tu sais, sur une durée complète d'un film, est-ce que les acteurs trouveraient ça agréable ça d'être tout demandant. En apesanteur? Je sais pas. Les astronautes, la masse corporelle change, je pense, quand ils sont très longtemps en apesanteur. Ouais. Les trucs qui changent. Bon, en tout cas, il en parle dans le film. Fait que oui, ouais. Il en parle dans le film. Dans ce film-là, ils font une mention avec... Mais en même temps, ça rajoute évidemment un réalisme à ton film quand tu le fais pour de vrai. Oh, oui. On dit ça, mais si Life n'a pas été fait en apesanteur avec des harnais, ben, crime de rendu est bien fait parce que t'as vraiment l'impression que tes acteurs sont en apesanteur. Oh, oui. Mais bon, tout ça pour revenir à mon petit résumé que je suis à peu près de ton avis, Jean-François. Je suis peut-être... un petit peu plus positif dans le sens que le fait d'avoir vu Alien avant puis après Life, j'étais comme plus satisfait. J'ai eu l'impression de retrouver un creature feature des années 90, un peu le genre de production où que c'est prévisible, c'est une formule préfaite, mais tu sais, c'est bien fait, c'est compétent. Oui, les acteurs, les personnages, en fait, prennent parfois des décisions un peu stupides, mais à la base, je m'en foutais parce que le fun est omniprésent. Je me suis pas emmerdé. J'y pensais là, il y a 2 secondes. Je me disais, c'était vraiment un film de 20 ans à peu près. Ça. C'est... Ouais, c'est ça. De temps en temps, un film comme ça, je trouve que ça fait du bien. Un film comme ça, une formule simple, mais bien faite, qui est là pour divertir avant tout. Puis c'est ça que j'ai eu. Je voulais mon film de monstre dans l'espace que j'ai pas eu avec Alien, puis je l'ai eu avec Life. Puis comme je dis, j'en suis ressorti vraiment satisfait. Je trouve que c'est un film compétent. C'est un film que, après l'avoir vu, sans doute, on l'oublie. C'est un peu ça qui m'est arrivé au courant de l'année. J'ai pas pensé une fois à le mettre, mettons, dans mon top ou une mention honorable. Mais j'ai un pressentiment que, tu sais, au fil des années, à un moment donné, je vais regarder dans ma bibliothèque, je vais le voir, puis je vais dire « Ah oui, ça me tente, j'ai eu du fun, puis j'ai envie de le revoir. » Fait que c'est une bonne grosse série B de luxe, là, en tant que telle. Parfait, fait que je prends le relais? Oui. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai trippé ben raide. D'abord parce que vous parlez beaucoup de Alien que je n'ai pas vu, mais moi j'ai vu The Passenger avec Chris lui puis Jennifer Lawrence là. Et ce film-là m'a profondément fait chier. mais vraiment profondément fait chier. Alors pour vous mettre, parce que c'est vraiment là, je pense que je l'ai autant adoré live un peu comme vous parce que le contexte était favorable dans le sens où j'avais envie d'écouter une science-fiction, à peu près un mois ou deux, et effectivement, moi, tout, il se mélangeait tout. J'avais vu un peu de bande-annonce de Alien, un peu de bande-annonce de Life, un peu de bande-annonce de Passenger, qui sont toutes arrivées en même temps, ces trois films-là. Puis, il y avait une série, je pense, sur EMC, qui était similaire. Fait qu'on avait beaucoup, beaucoup d'informations de bande-annonce de films similaires sans que j'aie vu les films. Fait que je ne savais plus lequel était lequel. Et j'ai pas vu Alien, mais j'ai vu Le Passager de Passenger et ça m'a tellement fait chier. J'ai fait, est-ce que c'est vraiment ça la science-fiction de 2017? Et j'étais insultée puis j'ai dit, non Vic, donne une autre chance à la science-fiction contemporaine. Ça se peut pas que ça soit ça la science-fiction. Ça se peut pas. Je ne suis pas d'accord. Alors, j'ai dit, je vais l'écouter. Il était sur ma belle onde de même, là. Il était sur super écran. J'ai dit, je vais l'écouter. Je vais lui donner une chance pour vrai parce que ça se peut pas qu'on s'en soit réduit à ça. Et c'est pourquoi j'ai autant aimé. J'étais stressée, vraiment. Oui, les personnages font des décisions assez connes, je suis d'accord, mais reste que leur mort me surprend ou me stressait toujours. Dans le sens où c'était jamais des morts rapides, immédiates. On dirait que... Qu'est-ce un bon la suspense. Oui. Ouais, j'avoue que dans... Ouais, je m'excuse parce que j'ai pensé durant le film, tu sais, il y avait 20 minutes ou 30 minutes de passé, je me disais, hey, pour un film qui s'appelle Life, là, on focus beaucoup sur la mort des personnages, puis ils savent tous qu'ils vont mourir. À chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il sait d'avance qu'il va mourir, tu sais. Ça arrive pas soudainement comme dans Alien, que l'Alien arrive d'en haut, il te poigne, puis il te tue, puis c'est fait, là, tu sais. Ouais. Le personnage qui, désolé du mini spoilers, mais qui se noie dans son casque. Ah oui, je pense à elle aussi. Ouais. Très long. Et le personnage qui s'enferme avec la créature aussi, c'est très long. Et tu ne le vois pas venir et tu te dis, il va s'en sortir parce qu'on est trop à ce moment-ci du film où on pense encore qu'il va s'en sortir. Fait que non, moi j'ai vraiment aimé. Je vous dirais que, étrangement, le seul personnage que je n'ai pas aimé, puis c'est un petit bémol, c'est Jack Ginnegal, que j'ai trouvé qu'on a essayé de trop mettre sombre et lugubre avec des cernes, et il regardait par terre, et il faisait... Ça fait quoi, 400 jours qu'il est là, c'est au-dessus d'un an, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais je trouvais que, tu sais, ça aurait pu être un autre acteur, on dirait qu'on a comme... pris cet acteur-là en disant il y a un air ténébreux, on va lui donner encore plus de ténèbres. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça un petit enfant cliché, alors que je trouvais que les autres acteurs, selon leur casting et leur stéréotype, ils étaient mieux utilisés que lui, personnellement. Ben, on l'a vu dans des bien meilleurs rôles. Quand tu connais le talent de l'acteur, tu trouves qu'il est quand même sous-exploité ici. Là. Oui, vraiment. T'sais, tandis que tu regardes Ryan Reynolds, ben c'est Ryan Reynolds show comme d'habitude. Là, il dit des conneries puis il s'amuse. Ils ont pris les acteurs puis ils ont pris leur stéréotype, mais celui-là, je trouve qu'ils l'ont mal. C'est comme une pâte à modeler, mais ils l'ont juste sorti du pot puis ils l'ont crissé devant l'écran. Au lieu de un petit peu essayer de la jouer. T'sais. Fait que mais c'est mon seul bémol parce que pour vrai, j'étais sur mon sofa et j'étais très stressée. Je m'attendais pas à ça. J'étais blasée de la science-fiction. J'étais sûre d'avoir un film poche. Un film rempli de clichés et au contraire, j'étais vraiment stressée. Je savais que aucun ou presque aucun s'en sortirait. Je m'étais pas attachée à eux, même si on a essayé avec un personnage qui devient papa, tout ça. Oui, on a essayé. Je voyais les gros fils blancs d'essayer de me rendre amie avec ces personnages-là, mais reste que la tension était là. J'aimais la créature aussi. J'ai trouvé bien faite quand même. Calvin change peut-être beaucoup trop souvent de masse, là, on va se le dire, qu'il est petit gros. Mais reste que j'ai vraiment, vraiment... le film m'a vraiment plu. Vraiment. Je suis contente que vous l'ayez aimé pour ce que c'est. C'est un divertissement, là. Tu sais, c'est pas... Mais moi aussi, je serais comme Steven, de l'acheter, le mettre dans ma bibliothèque, faire « Hey, il me semble que j'avais aimé ça, puis ça serait un bon petit film stressant pour aujourd'hui, tu sais. » Mais t'as raison que le CGI est quand même... La créature est bien... Tu sais, pour quelqu'un qui chiale tout le temps sur CGI comme moi, ça m'a pas gossé tout le long du film. C'est quand même son design relativement bien intégré avec les acteurs. Là. Quand ils pognent les jambes, je me pose pas trop la question. Puis son design est vraiment cool. T'sais, on fait beaucoup de références à Alien, mais la créature est pas non plus un copier-coller de l'autre. Je trouve qu'elle a un design vraiment intéressant. Ouais. Et honnêtement, la scène où le personnage de Ariane Bacar qui est très attaché à cette petite créature qui est rendue minuscule, puis il va mettre son bras dans le gant pour venir la flatter, puis il va avoir une scène où elle va s'agripper littéralement après son bras. Elle est vraiment efficace, cette scène-là. Je l'adore au bout. Je sentais la force de la créature qui arrêtait pas de serrer sur son gant, puis je graissais les dents. Je disais, oh mon Dieu, ça va mal finir. Quand tu te mets paniqué, puis se coller à la face contre la vitre, puis tout, j'étais comme, moi je paniquerais aussi. Là. C'est comme, sortez-moi la main de là, tu sais. Puis moi, j'ai une question. Oui. Pensez-vous qu'il la protège, la créature? Il y a un certain moment où elle est cachée, puis je ne savais pas s'il l'avait protégée ou elle l'avait utilisée. Selon moi, l'a utilisée ou lui l'a protégée? Selon moi, elle l'a utilisée parce que le personnage est rendu à un point où il ne veut plus vraiment, je pense, la protéger. Il est sur le bord de mourir, puis il veut survivre comme pas mal toutes les autres. J'étais pas sûr. Ouais, ça peut porter à confusion. Oui, parce qu'elle sait où se cacher, puis on n'arrête pas de dire qu'elle est brillante, fait qu'elle sait où se cacher, mais en même temps, le discours qu'il dit, puis la façon qu'il dit, il finit quand même par... Ses derniers mots sont quand même... Elle fait juste tout ça pour survivre, tu sais. Ouais. Ses derniers mots, évidemment. C'est ça. Puis tu sais, Jeff, il dit que la créature paraît plus brillante parce que les personnages font des décisions vraiment connes, mais la créature est vraiment brillante, pour de vrai. Là. Je veux dire, elle fait des choses, puis... À un moment donné, ils essayent comme de fermer les écoutiers ou de l'envoyer dans l'espace avec l'espèce de boucan, mais elle, elle les évite, puis elle fait attention, puis tu vois qu'elle a vraiment une conscience vraiment plus approfondie que même les humains là, en tant que tels. Ça, je pense que c'est ça qui rajoute aussi un gros suspense, parce que au lieu que ça soit juste un animal, mais c'est quelque chose qui va au-dessus de tout ça. Elle a vraiment comme une intelligence qui surpasse pas mal tout ce qu'on a vu, exemple sur la planète Terre avec les êtres humains puis les animaux. Fait que je trouve que c'est ça qui vient rajouter un peu. Ça, en fait, je crois que ça peut venir boucher des trous de au niveau du scénario d'incohérence à se dire ben là, comment elle pourrait faire ça, c'est impossible, tandis que là, c'est vraiment un extraterrestre avec une intelligence. Il y a plusieurs détails aussi que j'ai aimé, c'est le fait que la mission n'est pas secrète. La mission n'est pas par hasard, n'est pas random. C'est la mission qui a été confiée. Tu sais, quand il faut qu'ils donnent le nom de la créature, j'ai vraiment adoré la manière qu'ils ont fait ça, tu sais. Je vais pas le révéler parce que ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un beau moment de « Hey, on a ça, qu'est-ce qu'on fait? » Puis je trouve que ça faisait différent de bien des films de missions secrètes cachées. Faut pas le dire, on est en Alaska, on est dans l'espace, on est caché, bon, on dit rien. Là, c'est... Non, c'est ça la mission. C'est trouver de la vie sur Mars. Mais c'est vraiment weird parce que je t'écoutais parler tantôt, Vicky. Tu disais que tu n'étais pas forcément attaché aux personnages parce que ils sont quand même clichés. Puis ils essayent pareil de façon un peu forcée de t'attacher. Mais c'est bizarre. Je suis comme toi, j'étais pas vraiment attaché. Puis tu sais, j'allais pas pleurer parce qu'un personnage meurt. Mais on dirait qu'en même temps, j'y croyais à ce groupe-là. Puis j'avais. Je sais pas comment te décrire. Là. Je veux pas dire. J'avais pas d'attachement, mais en même temps, j'appréciais. Ce groupe-là, sans forcément avoir l'aspect émotionnel qui pourrait venir avec amplifier les scènes de mort. Là. Mais je pense que c'est ça le plus gros problème. Je pense que c'est juste qu'ils sont tellement stéréotypés que ça t'empêche de plus t'impliquer. Je pense qu'il aurait peut-être fallu s'éloigner un peu de cette zone-là. Là. Surtout le côté papa, comme tu disais. C'est ça! Je pense que c'est trop facile d'Hollywood d'essayer de venir me chercher. T'sais, oui, je suis rendu père, mais c'est pas parce que tu mets un parent, papa ou une mère que je vais forcément être plus attaché. Il faut que tu arrives à faire de quoi avec une profondeur ou je sais pas. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un des aspects du film qui est venu me chercher, moi, qui m'a touché. Ah, pour vrai? Oui. Okay. Parce que moi, je me mettais dans sa peau à lui, je me disais, hey, je serais pas capable, moi, d'assister à... Tu sais, ça me ferait chier de pas pouvoir être là, tu sais, de checker ça sur son iPad, ouais. Là, tu sais. Ouais. C'est ça, sauf que moi, en fait, c'est que je voyais le scénario, tu sais. Non, je comprends. Ah, lui, là, pour l'instant, il est pas assez attachant. Quand il va devenir père, là, les gens ne voudront pas qu'il meure. T'sais, c'est ça que je le voyais, le texte. Je le vois très bien, c'est juste que ça a marché. Ça a marché. Ça peut marcher, on peut le voir puis ça fonctionne. Parce que tu quittes jamais le fil conducteur. Je veux dire, tout le long, tu peux pratiquement deviner tout ce qui arrive jusqu'à la dernière scène. Puis c'est poche parce que quand tu achetais le Blu-ray DVD, dessus, c'était marqué une fin qui va vous renverser. Fait que tu sais, déjà en partant, on dirait qu'ils essaient de te dire qu'il va arriver de quoi de gros à la fin. Fait que tu gâches déjà pas mal ta finale avec ça. Puis je l'ai vu venir en tant que tel. Fait que je suis comme. Quand on a trop d'attente pour un twist, c'est le pire parce qu'on le devine. On finit par. On s'attend trop à un twist. Fait qu'on passe toutes les possibilités dans notre tête. Puis. Je m'attendais même pas à un twist. Puis je savais même pas qu'il y en avait un. Puis ça m'a pas surpris tant que ça. J'étais comme, OK, il y avait 50% de chances que ça arrive. Là. Mais c'est souvent ça. Le problème. Hein? Tu sais, Better Watch Out, je pense que c'est un des rares films que tu peux dire à tout le monde qu'il y a un gros twist. Puis c'est cool, la plupart des gens ne devineront pas. Ouais. Mais je pense que ce serait tellement de fun si on pourrait aller voir les films sans savoir qu'il y a un twist. T'sais, aller voir Le Sixième Sens sans savoir qu'il faut y aller parce que à la fin, il y a un twist qui va vous surprendre. Parce que automatiquement, comme tu dis, on essaie de chercher tous les twists possibles à travers. Là, dès que tu tombes dessus, là, tu sais, veux pas. Ben Split, ouais, à moins. Le dernier phénomène, c'est Split. C'est Split, toi. Comme, ah, tu vas voir, il y a un twist, mais tu peux pas le comprendre. Mais il y a un twist, mais tu peux pas le comprendre. T'es comme, mais pourquoi tu me dis ça? T'sais, je vais le découvrir, le film. Puis après ça, t'as toutes les théories qui ont embarqué. T'es comme, ah, ben merci. Mais sérieusement, tu sais, oui, c'est un twist, mais c'est un twist que tu peux pas deviner. Il n'y a pas d'indice ou quoi que ce soit. C'est vraiment un twist qui t'arrive en pleine face. Coucou! Non. Mais tu sais, je veux pas le dire, mais c'est que tout le monde après dit « Ah, ben là, si t'as vu Split, faut que t'aies vu tel autre film. » T'es comme « Ben, fuck you! » Ouais, non, j'aurais ça, c'est aimé ça, tu sais. Ça me sort, moi, tout de mon confort, là. Ça, c'est d'arriver à faire attention avec l'Internet. Veux pas. T'sais, moi, je savais pas quand est-ce que j'allais... Là, on s'éloigne vraiment. Je m'excuse aux auditeurs. Mais... T'sais, je savais que j'allais pas voir forcément Star Wars le premier week-end. Fait que The Last Jedi, puis ça me tentait pas là, de me faire spoiler. Puis je savais que ça allait arriver. Puis finalement, Non, j'ai réussi à tout éviter parce que je me tenais loin de tous les textes puis les liens par rapport à Star Wars jusqu'à temps que j'ai vu le film. Puis, Ouais. c'est plate, mais c'est ça. Faut juste faire attention pour éviter tout, là. Mais life, t'as pas, comme Jeff il dit, tu vois où ce qu'ils veulent t'amener. Oui, La fin, oui, c'est oui, oui. comme, ah, peut-être. Mais moi, mon chum, il l'a pas vu. Il a comme fait, ah, comment ça, ça se passe comme ça? Je dis, ben, 50% des chances, comme Jeff il dit. 50% des chances. Vraiment, ça, j'ai répondu exactement la même affaire que toi, Jeff. 50% des Là, chances. tu vois, c'est là que j'ai vu le scénario. Je suis comme, ben, le gars, il s'est dit, faut que je rajoute de quoi à la fin. Ben, je vais Ouais. faire l'inattendu. Tout le monde s'attend à ce que si ça se finisse comme ça va se finir comme ça. Il y avait juste une Voilà. autre, il y avait juste deux directions dans lesquelles ça pouvait aller, tu sais, je pense. Ben, ils ont pris celle-là qui serait la plus favorable pour une suite. Ouais, ben c'est ça, tu sais. J'aime mieux qu'il, j'espère qu'il n'aura pas, tu sais, ça va être. Non. Mais je pense que j'ai lu qu'il y en aurait une. C'est Ben, Hollywood en honnêtement, 2017. dans tous les films et les suites qui sont annoncées, il me dirait qu'il y a une suite à Life. Ben, écoute, why not? Je veux dire, si c'est autant compétent, je dirais pas non. Si on dit un live 2, peut-être. Mais s'il y a un film d'extraterrestre qui sort finalement, comme 10 Cloverfield Lane, t'apprends que c'est une suite, il me semble que c'est bien plus le fun. Ouais, mais j'ai pas envie que les autres fassent comme Tent Lover ou toute la série Cloverfield. Moi, j'aime cette série-là, Cloverfield, puis j'ai pas envie que les autres les mettent. C'est une série qui veut te surprendre à chaque film dans une direction Tu sais que complètement le prochain différente. en avril ça passe dans l'espace aussi, fait que ça va être Oui, puis je intéressant. suis vraiment excité. Je trouve ça vraiment intéressant comme idée. C'est parce que moi, j'aimerais ça juste qu'il y ait un nouveau film d'Alien, puis tu sais, on le construit, puis maintenant on fait, ouais, ben, by the way, c'est live. Ah, cool, tu sais. Et on l'a construit Ben, mais c'est parce qu'en indépendamment. voyant la bébite, tu le saurais, tu sais. Ouais. Oui, non, je sais, mais tu sais, qu'on se dit, il y a un film d'invasion d'extraterrestres, puis c'est vraiment comme, en lançant, que tu fais, OK, yes, c'est ça qu'ils veulent nous dire, là. Ouais. Mais que le film lui-même, le scénario, les créateurs, la production a été pensé indépendamment du premier, juste. Là, on fait un film d'invasion. Qu'est-ce que vous voyez dans votre film d'invasion? Puis là, tu lances des pitchs, puis un brainstorm. Tu sais, je parle de l'équipe de création, là. Oh oui. Ouais. Mais Ben, je pense qu'on a fait le tour. ouais, ben c'est ça, Ah, tu juste voulais pour dire ça? ouais, juste pour terminer, c'est ça. Moi, je trouve quand même que les personnages sont stéréotypés, oui, mais sont quand même assez intéressants que tout le long du film, tu restes intéressé quand même à ce qui se passe à eux, sauf Ouais. peut-être un ou deux, là, tu sais, je pense que les filles, je les mélangeais au début du film, puis Pas ils tout. sont plus Pas ou tout. moins. J'ai eu tout le temps de la misère à les différencier, mais les gars, je les trouvais quand même assez bien dessinés, bien écrits, tu sais, ben, bien écrits. Soit bien différencié, fait que. On aime le groupe pareil, c'est ça que je Ouais, dis, c'est c'est juste ça. qu'on n'est Ils sont pas sympathiques. forcément impliqué, tu sais. Puis à chaque fois, t'as pas vraiment envie de les voir mourir, mais tu sais que c'est inévitable. Non, c'est Mais pas. tu souffres aussi, tu sais. J'avais l'air Les négatif au morts. début, mais. Ouais, vas-y, excuse. Tu souffres aussi. Les morts sont souffrantes. Ouais, Que c'est t'aimes ou ça. pas, les personnages, ils les font lentement. Les morts. Fait que les morts sont souffrantes. Les morts sont difficiles à regarder. Oh oui. Sont satisfaisants. C'est des bons setups en tant que tel. Tu sais, le réalisateur prend la peine d'installer une tension qui va s'étirer pour que tu sois quand même crispé après ton siège ou ton divan. Fait que c'est ça qui est cool. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle que Live fonctionne. Je pense que c'est surtout qu'on a aussi un bon réalisateur derrière la caméra qui sait comment utiliser sa créature puis sa tension. Là. Non, Vraiment, mais c'est ça, vraiment. tu disais au début que j'étais plutôt négatif dans ma critique, mais c'est ça, je garde quand même un bon feeling que c'est un bon petit film, le fun, tu sais, mais pas plus que ça, tu sais. Moi, j'en veux pas Non, plus. c'est... Je suis pas sûr que j'irai Bon, voir une oui. suite, mais c'est mon opinion à moi, là. Je m'en tenir à celui-là. Good. Ouais. Vos recommandations? Je Yvan, vais... vas-y. OK, n'importe qui. Écoute, moi je dirais une location, sinon une bin à 5$. Je veux dire, c'est quand même pas mauvais dans une collection. Puis comme je l'ai dit, c'est un film que je vais probablement revisiter plus tard dans quelques années. Jeff? Location, ben Netflix ou un Tubi ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis Ouais. juste recommander. Un film que je pensais tout le long à quelque chose d'autre que j'avais trouvé 100 fois meilleur, puis je suis peut-être le seul à avoir aimé ça, mais c'était un film de 2013 qui s'appelle Europa Report. Moi, j'avais adoré ce film-là. c'est un petit peu dans le même genre. Là, c'est une gang dans un vaisseau spatial autour de Jupiter là, qui découvre de la vie, puis sont aux prises avec ça. Mais moi, je trouvais que c'était vraiment trippant. Puis tout le long du film, je repensais à ça. J'ai le goût de revoir Europa Report. J'avais trippé là-dessus, beaucoup plus que sur Life. Là. Je l'ai manqué, malheureusement, celui-là. Je sais que c'est un film que je voulais voir à l'époque, mais j'ai juste pas réussi. Mais... OK. Il va faire mais tu me donnes envie de... Ben, moi, je dirais que définitivement, une location, comme je dis, moi, je l'ai vu sur super écran. Ça vaut vraiment la peine. Fait que si vous l'avez, Vidéotron. Sure. Si vous l'avez, Vidéotron ou Bell, super écran de même, ou sinon, une location, assurément. Et aujourd'hui, j'allais faire un tour au Walmart, puis il y a vraiment gros des films à 5$. Fait que s'ils tombent dedans, là, ça vaut la peine. Yes. Que, la musique, oui, c'est vrai. Hey, on est rendu à la chanson. On a discuté avant l'épisode de quelques chansons qu'on voulait mettre. Et j'ai dit, ça serait le fun d'avoir une chanson qui a marqué un peu 2018. Et les gars se sont assurés que j'ai tranché. On avait plusieurs choix, mais j'ai tranché parce que le choix de Steven s'appelait Bibit. Je trouvais que c'était très représentatif du titre. Puis moi, vous le savez, quand je cherche une chanson, ben, je mets un mot-clé dans Google, puis j'espère avoir de quoi qu'il y a de l'allure. Fait que Life et Bibit. Je trouvais que ça se ressemblait. Donc, Steven, je sais pas si tu veux présenter un peu la chanson qui s'en vient ou pas nécessaire, ben oui. On la lance. Ben oui, c'est un nouveau classique parmi tant de Joël Martel, alias Martel Solo, son nom d'artiste, qui a fait la chanson Les Bébites, avec un vidéoclip savoureux que vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est cheesy au max. Puis c'est ça en gros, je trouve que c'est une tune vraiment catchy, stupide et vraiment le fun à l'image de Joël Martel qui est très attachant. Et je vais en prendre l'occasion cas où que Joël écoute nos épisodes, je sais pas, mais je t'aime Joël, je suis un grand fan et je vais t'inviter à mon mariage pour chanter les bébites. Ah, nice. Ben là, il va falloir lui dire d'écouter l'épisode vu qu'on met sa chanson. Oui! Et voilà! Fait que les bébites! À la fin des épisodes, on dit tout le temps « garder ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Et on est de retour après cette toune de bébite pour parler de A Dark Song de 2016 et non The Dark Song. Je m'excuse d'avance si je rebaptise le film, mais pour l'instant, c'est GF qui nous offre le synopsis du film. Vas-y, mon gars. Merci de cette intro. Le film A Dark Song, donc, met en vedette, je n'ai aucune idée, en fait, j'ai même pas la page devant moi. C'est une femme qui s'achète une maison ou qui la loue pour un an et qui veut faire des incantations à cette maison-là. Elle va s'engager un expert là-dedans qui est pour faire des séances. D'occultiste. D'occultisme, tu sais. Puis ses raisons sont pas tout de suite révélées, ça va prendre un certain temps, fait que je vais pas trop en dire. Ça va être un petit résumé parce que c'est un film qu'il faut découvrir au fur et à mesure. T'sais, j'avais pas vu de bande-annonce, juste le petit synopsis sur IMDb, puis qui dit juste ça dans le fond, elle dit juste que c'est une femme qui veut faire des séances dans une maison abandonnée, là, une maison, pas abandonnée, mais éloignée, en Irlande, dans la campagne, et c'est un huis clos, juste ces deux personnages-là, je pense qu'en tout, il y a peut-être 4 acteurs dans le film, puis c'est tout, là. Mais c'est surtout principalement ces deux, les deux, l'homme et la femme, qu'on suit tout le long. Puis c'est sans rentrer trop dans l'opinion, parce que c'est pas moi qui commence avec l'opinion, je pense, mais je voulais juste dire, c'est un film où ce qu'on suit vraiment, c'est pas le genre de séance ou de trucs d'occultisme qu'on voit dans des films habituels. C'est un truc qui va prendre des semaines et des semaines et des mois, là, à mettre des en mois, place. Ouais, littéralement des mois. C'est long, c'est compliqué, puis c'est plein d'étapes, puis c'est intéressant à voir pour ça, mais on commence par qui avec l'opinion? C'était-tu moi? C'était-tu une ou deux? C'est Steven qui y allait. Ouais. À Dark Sound, c'est un film qui était sur ma liste de films à voir absolument avant de faire mon top 10 sur Séance de minuit. Et j'ai malheureusement pas réussi. Fait que je l'ai dit tout de suite, le film est pas dans mon top 10. Et quelle erreur! Où t'en avais entendu parler? Moi, c'est la première fois. Ben, c'est simple. Tu l'as proposé, puis je ne savais pas du tout que ça existait, ce film-là. Ah, moi non plus. Ben, c'est simple. OK. Ben, moi, comme je l'ai dit, je zioque beaucoup Internet et c'est mon moment favori de l'année. Les top 10 sortent partout. Le podcast Shopwave ont fait leur top 10. Tous les gros sites, Hollywood Reporter, tout ça, ils font tout leur Bloody Disgusting, font tout leur top 10. Et A Dark Song est pratiquement dans toutes les top 10. C'est un film qui a vraiment. C'est ça, tu sais, Vicky, tu disais que c'était les films moins vus, moins appréciés, mais je te dirais qu'à Dark Song, au niveau de la communauté horrifique, les fans qui surveillent tout ça, ben le film est très connu pareil, là, je te dirais, dans ça. Puis très aimé. Puis c'est pour ça qu'il était dans ma liste des films à voir, mais j'avais pas réussi. Et je regrette amèrement, parce que je le dis tout de suite, le film aurait fait partie de mon top 10. J'ai écouté ça hier soir, honnêtement, il était 10h, j'étais comme, bon, faut que j'écoute le film, j'étais à la dernière minute, ça me fait chier, mais j'ai pas le choix. J'installe ça, je le démarre, dès le premier plan, qui est magnifique et envoûtant, je n'ai pas été capable de sortir du film, j'étais incrusté, et c'est un des films les plus originaux que j'ai vu aussi au courant de cette année. Tu t'attends à ce que ça soit... T'es pas certain dans quelle direction ça va forcément au début parce que c'est pas très clair dans le synopsis. Fait que Jeff a très bien fait de pas vous dire les raisons pour lesquelles la femme veut faire ça. Fait que tu t'attends peut-être à un film de maison hantée qui vont faire apparaître des esprits puis on va tomber dans du James Wan, de Conjuring, ces choses-là. Aucunement. C'est un film de rituel, de magie noire, mais traité avec un réalisme inouï, ce qui va faire peut-être bailler plusieurs gens, des gens qui vont s'emmerder devant ça, que ça sera pas... C'est un film très lent, ça marche, son atmosphère, mais moi, j'aime les films de magie noire et celui-là est venu vraiment me pogner parce que, c'est, comme le dit Jeff, c'est réaliste. La première partie du film, qui est au moins 40 minutes, c'est vraiment... Il installe les bases. T'sais, t'as juste les deux personnages dans la maison puis t'as le gars, le cultiste, joué par Steve Oram, qui est excellent, va commencer à faire des dessins sur le plancher, à expliquer à la femme qu'est-ce qu'elle doit faire. Puis tu sais, c'est des trucs comme rester dans un rond assis pendant une journée entière, se faire verser de l'eau glacée. Deux jours, oui, excuse-moi. Plein de trucs comme ça. Puis tu sais, c'est vraiment comme on va apprendre avec eux c'est quoi cet univers-là, comment ça fonctionne. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Puis c'est un premier film, tu sais, c'est un film écrit et réalisé par Liam Gavin. Comme je dis, c'est son premier métrage. Puis on dirait zéro que c'est un premier métrage. La réalisation est solide, c'est maîtrisé. L'écriture est vraiment solide également. Les deux personnages, Steve Oram et Catherine Walker, qui est fantastique aussi là-dedans, sont super bien développés, super intéressants. Puis le film joue beaucoup sur l'imaginaire, ce qui, pour moi, c'est la force du cinéma d'horreur, l'imaginaire. Puis tu as des scènes là-dedans qui m'ont foutu la chienne, qui tu vois rien, mais tout fonctionne par l'imagination. Puis on dirait que chaque fois que le rituel avance, juste les petits signes, tu finis par avoir peur vers où ça s'en va avec les explications. T'as une séquence avec une porte. Il va arriver de quoi, je ne vais pas dire quoi, mais cette séquence-là avec la porte, ça m'a foutu la chienne. C'était vraiment réussi. Et j'aime beaucoup le côté ambigu. Le film va beaucoup miser là-dessus, à savoir, est-ce que l'occultiste est un crosseur et est-ce qu'il profite de la femme ou il est vraiment quelqu'un qui en a bavé et qui il est sincère dans ce qu'il fait, mais il doit vraiment agir en trou de cul, puisque par moments, agir en trou de cul, mais c'est supposé être nécessaire pour le rituel. Fait que, on ne sait pas sur quel pied danser, puis le personnage de Catherine Walker non plus. Fait que c'est pour ça que je trouve les réactions des personnages vraiment réalistes, puis par moments, on comprend les réactions de Catherine envers l'occultisme, mais son personnage à lui, je le trouve intéressant. Tu vois que c'est un gars qui est rongé par quelque chose, qui a l'air pogné, puis même au début, il ne veut pas tout de suite le faire, cette demande-là de la femme, mais quand elle va lui donner sa raison, ça va le motiver, puis il va comprendre. Et c'est un peu ça, c'est un film qu'il faut en savoir le moins possible, un peu comme Better Watch Out, pas que des gros spoilers, mais je crois que l'originalité du film, quand tu le découvres scène après scène, ça fait du bien, c'est une bouffée d'air frais, l'atmosphère est solide, et mon seul petit reproche, ce serait peut-être la finale est très claire, elle laisse pas place à l'imaginaire ou à l'interprétation comme le restant du film, le réalisateur il a une idée puis il t'appitch, fait que tu sais, c'est ça qui est ça, mais en même temps, je la trouve originale et bien faite. Fait que je l'aime, cette finale-là, mais c'est sûr que j'aurais peut-être aimé rester dans l'imaginaire puis le côté un peu plus abstrait. Mais sinon, j'ai pas vraiment de reproche à faire. Ça a été une méchante belle découverte pour moi. JF, c'est à ton tour. Oui, c'est à toi. Oui, je te laisse parce que Ben, c'est pas compliqué, ça va être un copier-coller de Steven. J'ai adoré ce film-là. T'sais, je m'attendais à quelque chose de lent parce que j'avais lu vaguement sur IMDb dans les commentaires, sans spoiler, les gens qui disaient ah, si vous voulez faire une bonne sieste, c'est bon ce film-là, si vous voulez dormir, ouais, c'est bon. Fait que j'étais comme ah, puis j'étais fatigué un peu, puis j'ai payé sur play, puis comme toi, le premier plan, puis tout, j'étais accroché bien raide. Puis de suite, j'ai été intéressé par ce personnage-là féminin, t'sais, qui est super intense, puis tu vois qu'elle a quelque chose de profond dedans d'elle. Ça me fait penser un peu le personnage de Babadook, personnage principal, mais ouais, encore plus rongé par quelque chose, puis tu essaies de savoir tout le long, ben pas tout le long, mais pendant un bout de temps, qu'est-ce que c'est. Puis l'occultiste, le gars, ils me l'ont vendu tout de suite. Là, en deux minutes, tu sais que ce gars-là, il est sérieux. OK, oui, il y a un côté ambigu, comme tu dis, c'est vrai, là, que ouais, tout le long, tu dis, il profite-tu d'elle? Mais ils connaissent de quoi ils parlent. Puis ça, ils me l'ont vendu tout de suite. T'sais. Quand elle est au restaurant avec lui, puis elle dit, ah, j'ai parlé avec un tel, puis un tel. Ouais, c'est tout des morons, ça, cette gang-là. Moi, je sais de quoi je parle. T'sais. Puis quand elle dit la première raison, à un moment donné, il demande, pourquoi tu veux faire ça? Puis elle dit, ah, ben c'est parce que j'ai connu quelqu'un, j'étais en amour avec lui, puis il m'aime plus, puis je veux qu'il m'aime encore. Fuck off, je m'en vais. Il s'en va au train, puis tout, puis tu me ramènes au train, tu sais. C'est comme, non, il n'y a pas de niaisage avec lui, là, tu sais que lui, non, il est sérieux, puis tu fais pas ça pour les mauvaises raisons, là, tu sais. Tu fais pas ça pour n'importe quelle raison. Puis c'est ça, j'ai totalement accroché à leur relation, à leur moment de leur moment de beauté, leur moment de chicane, leur moment de, c'est ça, tout ce qui fait passer au travers, tu sais, quand t'es assis dans le cirque, puis qu'il faut qu'elle reste là pendant deux jours, puis tout ce qu'elle a à vivre, tu sais, puis j'étais vraiment là avec eux autres, puis je vivais tout ça avec eux autres, là, puis dans le fond, c'est ça, c'est pas mal tout copié sur toi, dans le fond, j'ai beaucoup aimé le côté fantastique un peu plus vers la fin, là, tu sais, tout ce qui était... Ouais. J'ai pas trop en révélé, mais c'est ça, tu sais, j'étais dans le noir puis tout, puis j'étais assez stressé par bout aussi, même si je trouvais que parfois les choses qu'on voyait à l'écran, c'était peut-être pas aussi effrayant que j'aurais voulu que ça soit, mais tu sais, en même temps, si ça avait été des trucs avec, je pense à Grave Encounters, des gens avec des faces qui font comme ça, tu sais, j'aurais dit, ouais, non, c'est trop cheap, là. J'aime mieux que ça reste comme ça reste simple comme ça, puis c'était efficace de même, tu sais. Ouais. C'est ça, sans vouloir le dire, mais sa raison à elle, quand ça entre en jeu, puis que ça vient la hanter, puis tout, c'est comme... Ça vient me chercher aussi ce qu'on entend à l'autre bord de la porte, puis tout, qu'il l'appelle, tu sais, je suis comme, ah, ça vient me chercher, je trouve ça triste, je trouve ça beau, je trouve ça poignant. Ça donne une grosse dimension. Ouais. C'est cliché, c'est pas mal, c'est le genre de truc qui est cliché, mais en même temps, c'est, ça marche. C'est, là. C'est cliché, mais la façon que le gars l'exploite, ça fait toute la différence, contrairement à d'autres films. C'est vraiment, tu vois que c'est là, c'est l'écriture puis le réalisateur qui en fait quelque chose de, pas d'original, mais il l'exploite de manière, je dirais qu'il l'exploite de façon originale. Ouais, puis il y a une scène à un moment donné que je pense qu'on va en reparler, j'imagine, je sais pas si on a des choses à dire là-dessus, mais il y a une scène où ce que le gars fait faire de quoi à la femme, puis là ça marche pas pantoute pour elle dans sa tête, là. C'est comme non, je sais pas ce que vous en avez pensé de cette scène-là, je trouvais que c'était peut-être, c'était nécessaire pour le film, mais en même temps je trouvais qu'il est allé loin, il avait pas besoin de ça le gars, mais en même temps il... c'est ça, je trouvais... C'est pas tant le film que je critique, c'est le personnage. Comme, ah, c'était vraiment poche de la part du gars de faire ça. Parce que ben c'est ça, là, c'est désagréable. Mais je trouve que c'est à partir de ce moment-là que le côté ambigu que je te parlais est encore plus rentré en jeu. Fait que je te dirais que c'est comme un élément qui vient encore plus te questionner sur ce que c'est un fraudeur et qui profite justement. Ah ouais. Ben, c'est ça. En gros, qu'est-ce que t'en as pensé, Vicky, toi? Ouais. Ben. En fait, je suis surprise que Steven l'a aimé autant parce que pour moi, ça rentrait dans ce que je pensais que Steven trouvait qui étaient les films arty. Tu sais, les films plus art et essai que histoire solide. Là, comme on a déjà parlé. I am the pretty thing that live in the house, quelque chose comme ça. Ouais. Ah ben, je trouve que c'est pas du même calibre, je trouve. Je l'ai pas vu, celui-là, okay. Mais celui qu'on avait vu, c'est The Girl Photo, là, le film iranien, là, Perse. Oui, ouais. Là. A girl walks alone at night. Ouais, c'est ça. A girl walks alone at night. Bref, je pensais que. Et je vais vous dire aussi, parce que toute mon analyse va partir avec ce que vous m'avez donné comme jus d'abord. Vous avez dit les deux, le premier plan du film, vous avez capté. Et moi, je pourrais vous dire que je comprends pourquoi, parce que le premier plan du film et la première séquence est hyper étouffante. Malgré qu'on est dans un très grand espace. Tu rentres dans le film dans un grand espace et pourtant, t'es étouffé de suite. T'es serré à la gorge, alors que c'est un grand espace vide. Et moi, ça a été mon feeling durant le film. Le film m'a trop étouffé, moi, mais personnellement. Tout le long, on te resserre. On resserre les taux. Ouais. Quand le ouais, gars c'est fait ça, son exactement. Quand le gars fait son carré autour de la maison, puis tout, on resserre. Ça, tout ça l'empire encore. Là, ouais. Puis moi, ça m'a affecté négativement, pas dans le sens où je me sens emmerdée, où j'irais pas dire « Ah, oh, c'est un film pour s'endormir ». C'est plutôt un film qui est pas venu me chercher justement parce que j'étais trop étouffée. Fait que volontairement, je voulais sortir du film. C'est volontairement, je me sortais. Puis c'est pas le sujet venait trop me chercher ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment c'est vraiment la mise en scène du récit qui venait m'étouffer. C'est comme, durant le film, la fameuse scène que Jeff parle, parce que oui, moi aussi, je vais en parler, où on exploite vraiment le côté ambigu du personnage, on exploite tout l'aspect dominé-dominant. À partir de ce moment-là, on peut même plus parler de relation entre les personnages, il faut parler de dynamique entre les personnages, parce que les personnages n'ont pas de relation. Les personnages sont jamais francs. Tu sais, le gars insiste tout le temps pour dire que c'est la fille qui est pas franche, alors qu'il l'est jamais lui non plus, puis ses intentions sont jamais claires, puis arrête pas de dire, faut tout que tu me dises, puis tes intentions soient jamais cachées. Alors que lui, jusqu'à la toute fin, ses intentions sont cachées. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que comme je vous dis, moi, je me sortais souvent du film, fait que j'ai gardé gros des trucs en tête, et plus des phrases que des impressions. Puis à un moment donné, ils sont couchés l'un à côté de l'autre, puis ils se mettent à pleurer en disant, je m'ennuie de ma sœur. Ça sort de nulle part, puis ça revient jamais. Puis il a juste cette phrase-là, je m'ennuie de ma sœur. C'est pas pourquoi, c'est pas comment, c'est pas qu'est-ce que ça a comme impact dans la situation. Mais, mais moi, j'ai pas l'impression que le gars ait une foi condémentée ou fait rien de mal, parce qu'en tant que tel, lui, il est là pour elle. T'sais, son but premier, il est payé pour l'aider elle, puis le rituel fonctionnera pas si elle est pas franche, puis il y a des signes qui apparaissent pour dire que elle a dit de quoi qui était pas franche. Fait que, il me semble que logiquement, je vois pas en quoi ça... Si en quoi eux ça apporterait sont pas francs l'un envers l'autre, il dit souvent pour que les deux sachent tout l'un de l'autre. Mais si lui cache quelque chose. Si lui il cache le fait qu'il fait ce rituel-là, parce qu'on a l'impression qu'il va avoir quelque chose de ce rituel-là. Amanda lui demande, puis il dit, moi, ce que je veux de ce rituel-là, c'est de pouvoir m'éloigner, de pouvoir vivre seul, de pouvoir être reclus. Fait que moi, j'ai l'impression que lui, tout, que ce rituel-là va leur donner chacun quelque chose à la fin. Puis lui non plus, il est pas franc sur ce que ça va lui donner, tu sais. Fait que non, moi, j'ai l'impression qu'il faut que les deux soient francs, peut-être pas de toute leur vie, mais j'ai l'impression qu'il faut que les deux soient francs, puis ils le seront jamais, puis c'est ça qui fait que ça chie pendant un bout, c'est que personne n'était franc l'un envers l'autre. Fait que, tu sais, puis pour donner un autre exemple de cet aspect d'étouffant-là, la scène la plus dramatique du film, c'est la scène où on respire le plus. C'est la scène où elle est dans le restaurant avec sa sœur. C'est la scène la plus dramatique, c'est là où ce que les choses les plus lourdes sont dites, mais on respire parce qu'on est enfin en dehors de la maison, avec d'autres gens, les gens bougent, on est dans une dynamique en mouvement. Mais c'est pas avant, ça? Excuse-moi de te couper, là. Non, mais je sais pas, je me souviens pas et quand dans le film, mais je veux dire que c'est la scène où on respire le plus. C'est ça que je veux dire. C'est une des scènes où on est le plus soulagé, tu sais, le plus nous-mêmes en tant que spectateurs. Fait que c'est pour ça que je dis, le film, il est en parfait contrôle. Mon désarroi par rapport au film ne vient vraiment pas d'un problème de réalisation, problème de personnage, de mise en scène, quoi que ce soit. C'est vraiment parce que ce film-là m'étouffait personnellement. Puis je pense que c'est le genre de film qui, vraiment, moi, n'aurait pas fait mon top 10 parce que j'arriverais pas à le conseiller. Tu comprends? Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il est mal fait, pas parce que la personne n'est pas en contrôle, mais parce que le sentiment que j'ai eu, je ne le voudrais pas à quelqu'un d'autre. Mais que si quelqu'un, comme vous deux, l'avait découvert, m'avait dit « Moi, j'ai adoré », je fais « Ben, ça se peut, tu sais. Mm-hmm. » Écoute, c'est sûr que l'effet d'étouffement, c'est voulu, c'est un huis clos, veux pas, puis c'est une genre de descente aux enfers. Fait que je crois qu'en tant que tel, un huis clos, le but premier, c'est de t'étouffer. Tu sais, je veux dire, quand t'écoutes « It Come at Night », c'est un autre huis clos cette année que j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui finit par t'étouffer en étant tout le temps au même endroit petit. Fait, comme tu dis, I guess que c'est vraiment juste que le film n'a pas fonctionné sur toi parce que c'est un sentiment que tu trouvais trop désagréable sur toi-même. C'est exactement ça, parce que moi, tout, je l'ai vu de Comes Up Night, mais c'est pas parce qu'il y a du mouvement, il y a de la forêt, on respire. Il n'y a pas un sentiment que tu es pris au piège. Là. Hey, non, la vie est pour partir puis elle est pris, là. Est vraiment pris, là. Mais là, et comme ça, non, tu peux t'en aller. T'es dans merde, mais tu peux le faire. Là, elle ne peut pas le faire. Mais je pense que c'est ça, c'est, la beauté c'est sûr que le film, c'est pour te provoquer aussi un film d'horreur. Puis, tu dis que tu serais pas capable de le conseiller, mais moi, je dirais aux gens plutôt, regardez-le, puis retirez-en ce que vous voulez. C'est personnel à chacun, parce que c'est pas un film d'horreur sur le surnaturel, c'est un film sur la nature humaine. Tu dis que c'est des menteurs tout le long, mais c'est justement, tu sais, à la toute fin du film, la résolution pour la femme, c'est de, sans spoiler, mais c'est de changer, tu sais, d'être quelqu'un d'autre, tu sais, d'être... C'est quasiment... Encore là, c'est pas vraiment un spoiler, là, mais c'est quasiment... Tout ça, c'est quasiment un exorcisme sur elle-même, tu sais. Oui. Sans que ça soit ça, tu sais, le film, c'est pas des exorcismes, puis elle est pas possédée, là. Puis lui aussi, mais dans le fond, ça travaille sa personnalité tout le long, là, tu sais, puis... C'est un drame vraiment dark sur le personnage de Catherine Walker, que de l'intérieur, c'est... Il y a beaucoup de choses, c'est difficile d'en parler sans rien révéler, mais elle est vraiment rongée, comme le disait JF, comme la mère de Babadook, mais c'est vraiment encore plus intense. Mais elle se ment à elle-même. La finalité, c'est que tu prouves qu'elle se ment à elle-même. Même elle, elle ne sait pas ce qu'elle vient faire là, finalement. Là. Elle veut de quoi, mais on dirait qu'en même temps, elle veut d'autres choses. Elle veut beaucoup de choses en même temps, puis elle ne sait plus sur quel pied danser. Mais elle veut ça, mais en même temps, je pense qu'elle se doute que ça ne virera pas bien. Ça ne virera pas bien, mais c'est aussi... Ce n'est pas une bonne idée à la base. C'est aussi que le traitement qu'elle vit, tout ce rituel-là qui dure des mois, c'est intense mentalement puis physiquement. Fait que ça vient complètement la déstabiliser encore plus que qu'est-ce qu'elle était avant d'entrer dans cette maison-là. Mais je te le dis, Vicky, je comprends encore plus si tu dis l'effet d'étouffement, parce qu'il y a un élément du film que j'ai vraiment aimé, qui est montré dès le début. Je sais pas si ça peut être un spoiler ou pas. Je pense pas que c'est un spoiler, c'est juste que quand tu le découvres dans le film, c'est hot. Fait que je vous dirais skipper peut-être 30 secondes à la limite, là. Mais c'est juste avant de rentrer dans la maison, comme tu l'as dit, il prend du sel, il l'entoure complètement dans la maison, puis avant de fermer complètement le sel, il le regarde, il dit « Là, t'es-tu certaine? » Parce que un coup que j'ai scellé, on peut plus sortir, c'est fini. On est pogné là jusqu'à la fin. Fait que déjà là, un coup qui finit le cercle de sel avec ça, j'étais déjà dans le huis clos. J'étais comme, je me sentais déjà comme, OK, c'est fini, on est pogné là tout le long du film, puis on sort plus. Là. Quand tu as dit ça tantôt, Vicky, que c'est un film où on est enfermé, même quand c'est dans le plein air, c'est ça, j'ai repensé. J'ai fait, oui, c'est vrai qu'on. Au début, elle était enfermée dans son char, ouais, ça, elle était enfermée, elle était tout le temps enfermée dans quelque chose, dans le château, dans le cercle de sel, elle était enfermée dans le carré de sel, dans son cercle, dans la pièce où il faut qu'elle reste là pendant 2 jours, dans son petit cercle, elle est toujours enfermée dans quelque chose, dans sa chambre, elle est toujours dans sa cuisine, même c'est fermé, c'est comme, il n'y a rien d'ouvert, il n'y a pas de grand espace, à part dehors, mais même là, ils ne peuvent pas y aller vraiment, tu sais. Mm-hmm. Non, puis comme je vous dis, la seule scène où on respire un peu quand c'est avec sa soeur, la scène du resto. On va pas quitter le restaurant, je pense. Ou en tout cas, on la voit, mais tu sais, c'est comme. T'sais, elle est jamais libre de sortir à peine du cadre du film. Non, puis c'est le voulu du réalisateur, ça, je pense. Puis c'est bien pensé. Ouais. Ça. Ah oui, c'est un film qui est en parfait contrôle puis qui sait ce qu'il fait, là. Ça, je le dénie pas, là. C'est juste que le je l'ai trouvé très lourd. Très, très lourd. Oui, c'est lourd. C'est lourd, c'est lent, c'est sûr que c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui, je comprends, qu'ils vont se décourager. Ouais, mais avec la fiche, puis qu'est-ce que j'en ai un peu entendu parler, je m'étais pas trop renseigné pareil. Je m'attendais à ça comme film, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi maîtrisé et aussi bon, vraiment, comme... Tu sais, j'étais content qu'on le fasse pour l'épisode, mais je m'attendais pas que le film me frappe autant, au point de dire que trop tard, j'ai fait mon top 10, je l'aurais foutu dedans à la place d'un autre film que j'avais mis, tu sais. Fait que c'est... Mais tu sais, c'est un réalisateur clairement à suivre, puis ça m'écœure que des petits films comme ça, tu sais, c'est un film indépendant, mais la photographie, la mise en scène, tout ça, t'aurais pu foutre ça au cinéma, là, tu sais. C'est sûr que c'est pas un film pour tout le monde, on s'entend, mais... Les performances des deux acteurs, là, tu sais, Catherine Walker là-dedans, il y a une scène qui elle se parle pas mal à elle-même ou elle parle à quelque chose d'autre, puis là, c'est une espèce de long monologue, puis à un moment donné, il y a la larme qui finit par couler, puis je l'écoutais, puis j'étais comme, man, c'est une aussi grande performance que toutes les grosses productions Hollywood qui vont se retrouver aux Oscars cette année, là, tu sais. Fait que je trouve ça dommage de voir des petits films de même plus. C'est comme hors compétition. C'est comme vous n'êtes pas assez dans la grosse ligne pour ça. Puis je trouve ça dommage. Parce que c'est le genre de film qui mérite à être connu pour tous ceux qui disent que le cinéma d'horreur en 2000, des années 2000, c'est plus original. On a tout vu, c'est juste des remakes. Non, non! Il y en a plein de films comme ça. Puis ça, c'en est un des très bons. Puis écoute, oui, c'est pas pour tout le monde. T'sais, c'est un film là. Si vous n'avez pas aimé The Witch, puis des films... avec ce genre de slow burning là, peut-être qu'à d'autres sons va vous emmerder, mais tout dépend des thèmes, qu'est-ce qui vous touche. Moi, La Magie Noire, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Un des films que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément apprécié tout le monde, c'est The Serpent and the Rainbow de Wes Craven. T'sais, j'adore ce style-là. Puis on n'en a pas tant que ça, des films occultes. T'sais, le dernier, je pense, qu'on a eu, c'était The Wailing, le film coréen que j'avais beaucoup aimé. Puis, t'sais, à Dark Song, il est juste tombé pile dans mes cordes quand je l'ai écouté. Là. Mais j'aimais ça, toute la. Checker tous les rituels étape par étape, parce qu'on est très très loin du film d'exorcisme ou de séance où la personne est prête en 5 minutes. Là, exact. C'est ça, là, c'est comme on met des branches, là, faut faire telle affaire pendant des semaines et des semaines, faut que tu te purifies, faut que tu manges des champignons, tu fasses ci. Il suffit pas juste de prendre le Necromonicon de les 3 phrases, puis les démons arrivent. Là. Moi, la scène où il faut qu'elle boive le sang du gars, ça me levait le cœur aussi, là, comme elle. Là, je le sentais quasiment dans ma bouche, son sang. J'étais comme... Ah oui, vraiment, là. Ben moi c'est vraiment aussi toutes les scènes qu'elle doit rester en dessous de l'eau froide, là. J'étais comme... J'avais pratiquement mal pour elle, là. Puis, la scène de la baignoire, je voyais venir ce qui s'en venait, mais tu sais, ça m'a quand même pris, là. J'étais comme... J'étais sous le bout de mon siège, j'étais comme... Ah, c'est stressant, hein. Puis la musique est vraiment bonne. Je trouve qu'elle apporte beaucoup. C'est des espèces de... Je sais pas c'est quel instrument qui est utilisé. Là. Ça me rappelle encore une fois un petit peu de Witch, mais pas tout à fait pareil. Mais je trouvais que ça rajoutait beaucoup à l'atmosphère. T'sais, sans être trop présente, elle était juste assez là pour venir rajouter une couche. Là, puis je la trouvais vraiment bonne. Ça m'avait marqué quand je l'avais vue. Fait que je pense que... On a fait le tour. Je pense que vous avez fait... Fait que tes recommandations, Steven? Moi, c'est un achat. Je vous recommande 100% parce que ça tombe bien, je l'avais acheté dans une bin à 2 pour 20$ au Vidéotron. Puis quand j'ai vu ça au Vidéotron, je suis wow, je l'ai pris tout de suite. Puis non, un achat. Si c'est un des meilleurs films de 2017, même s'il n'est pas dans mon top 10, je vous recommande fortement. À réserver. T'sais, peut-être vous n'allez pas aimer, peut-être vous allez adorer autant que nous, mais je me dis que c'est un film qui vaut la peine d'être essayé. Jeff? Copier-coller de Steven. Pareil. Parfait. Puis pour moi, c'est sous toute réserve. Il faut vraiment savoir dans quoi qu'on s'embarque, t'sais. Parce qu'on a donné plein d'autres exemples de films lourds parce qu'on est dans une tendance, je pense. 2017, ouais. 2017, puis je te dirais un peu moins 2015 facile, là, qu'on est dans une tendance comme ça de films qui se veut plus lent, plus réflexif. Mais j'ai trouvé vraiment que celui-ci troquait le suspense pour l'étouffement. J'avais pas de suspense à savoir est-ce que ça va fonctionner ou pas. On dirait que je le savais que ça fonctionnerait, tu comprends? J'étais pas nerveuse à savoir si ça fonctionnerait ou pas. J'étais juste prise au piège, puis ça, j'ai trouvé ça difficile. Fait que je pense que c'est à voir, mais il faut vraiment savoir dans quoi qu'on s'embarque. Alors, une location, mais je sais pas s'il va être louable facilement, là. iTunes. C'est ça. Hein? iTunes, c'est le ouais. Moyen le plus facile de louer tous les films qu'on parle. Google Play. Ouais, je pense que oui. Ouais, Google Play, ouais. Ouais, parce que moi, le dernier Vidéotron de mon secteur il est mort cet été. Ou sinon, le Vidéotron de Gatineau. Je dirais que c'est étonnant, tous les films qu'ils ont là. C'est vraiment un des meilleurs Vidéotrons que j'ai vu. Puis, il y a ça, à chaque fois que j'y vais, je tombe sur les films à un petit prix. Ben, écoute, on s'en tous à Gatineau. Non, laissez-moi les copies! Tu avais une chanson en lien avec notre film, je te laisse. Ben en lien, la c'est surtout à cause du titre, là, mais je pense que le mood fit un peu. C'est une toune d'harmonium, c'est chanson noire, tu sais, de l'Epta dans 76. Puis comme Sébastien m'a dit, 8 minutes, t'sais, c'est bien trop long. Je vais mettre juste un petit bout de la toune, juste genre la deuxième partie, là, genre peut-être la deuxième moitié. Là. J'ai pas encore décidé, mais ça va être ça. Une toune d'environ 4 minutes. À peu près. Parfait. On revient tout de suite après la longue chanson épouvantable à JF. Pour ma main, peux-tu serrer la corde et mon poing? Fleur noire, t'as besoin d'eau, rends ton épine dans ma peau. Chauffe mon nez, moi je sens plus rien. Mes genoux poudre d'hiver, et givré sur mon enfer. Et où est son sang qui vit plus haut? Où j'ai loué la plage, ils se font servir du lavabo. We'll be right back. De retour après cette trop longue chanson de GF, il a dansé tout le long, là, il est accroché dans les rideaux. Là. Oh, non, c'est tellement GF une toune pour danser, ça. Ouais. Ben, je sais pas, j'en pense vraiment que je sais c'est quoi. Fait que, on ramène GF pour qu'il fasse un gros allô. Allô à nos Patreons. Et oui, vous pouvez aller sur le Patreon d'Horror Gamer, donner un petit montant par mois et vous avez le droit à un beau allô durant l'épisode et vous pouvez même écouter les épisodes live. Il y a eu un beau moment censuré à l'instant même que vous auriez le droit si vous nous écoutiez live et tout ça grâce à notre belle Véro. Shout out à Véro qui nous écoute présentement. Salut Véro! Patreon d'Horror Gamer pour ça. Et sinon, sur le site d'Horror Gamer, les gars, je vous renvoie la balle. On a une belle section avec des critiques. On a Maxime qui se joint à nous pour faire des critiques. Je vous renvoie. Qui veut dire bonjour, merci, mais aussi introduire. Ouais, ben, c'est Maxime Degagné. Je pense que c'est un collègue de travail à Sébastien. Puis il a commencé avec une critique du film Leatherface de 2017. Fait que c'est sa première critique sur le site. Si vous allez sur notre site, dans la section critique, vous allez la trouver. Il se joint donc à notre équipe d'auteurs qui pour l'instant, compte un de mes amis qui s'appelle Stéphane Carpentier, un de mes vieux amis de l'université. Puis il y a Sébastien, je pense, qui a écrit une critique aussi. Puis moi, j'ai l'intention d'en écrire un moment donné aussi. Là. On n'est pas très, régulier là-dedans. Mais c'est le but d'avoir des gens qui sont volontaires pour être auteurs. Fait que... Puis je pense que Sébastien... Tu sais, des fois, c'est une question... Je pense que c'est un appel à tous pour des auteurs. Fait que si encore, s'il y a du monde qui sont intéressés et qui sont capables d'aligner 3-4 mots sans faire de faute, faites-nous signe. C'est ça, parce que, tu sais, je veux dire, on manque souvent de temps. T'sais, on est l'équipe à faire des podcasts, mais je veux dire, avec tous les nouveaux partenariats qu'on a eus, c'est sûr que ça va prendre des gens qui vont être plus à avoir le temps pour écrire. Fait que, tu sais, déjà, ça nous enlève peut-être... un genre de poids sur les épaules, en plus écrire des critiques, puis faire des podcasts, puis voir tous les films en une semaine quand t'as une famille, tes papas, puis tu travailles, c'est pas toujours évident. Moi, je mets toute la blâme sur le bébé. Là. Il n'y a pas le temps, c'est le bébé. Un maudit bébé. Ah ouais. Moi, je mets le blâme sur l'équipe parce qu'on s'ostine tout le temps. Fait que là, si je me mets à faire des critiques, on va encore plus s'ostiner, ça va être la fin du monde. Là, j'ai écrit que j'aimais pas Fright Night, puis là, Steven, comment ça? Puis là, je dis que c'est de la merde, puis là, l'autre, comment ça? J'ai jamais dit ça, moi. C'est Fright Night, c'est ça? C'est parce que j'ai l'air de me souvenir du nom en anglais. Ouais, c'est ça, c'est Fright Night. Vampire, ouais, vous avez comme, dit vampire. C'est de la merde, puis comme, c'est pas de la merde. Oui, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Fait qu'on peut pas commencer à s'assister par écrit en plus sur le site, là, ça aura juste pas de fin. Mais il y a une chose de le fun sur le site, la manière qui est faite maintenant avec le nouveau design. Quand on va sur les critiques, il y a une note dans le haut, c'est la note de la personne qui l'a écrit. Mais tu peux aussi, en tant qu'utilisateur, même pas besoin de t'enregistrer, je pense, tu peux juste mettre des étoiles toi-même sur le film, si tu l'as vu, puis donner ta propre note. Tu peux noter la critique. C'est maintenant que Steven critique un film, je peux aller noter sa critique. Tu peux écrire un commentaire à la fin, si tu veux. Tu veux commencer ça maintenant? Hein? Oh, it's on, bitches! Fright Night, je vais venir te mordre dans le cou. Hey, là-dessus, on peut le dire. Gardez ça horreur. Je vais venir te mordre dans le cou. Gardez ça horreur. À la prochaine. À la prochaine. Salut, c'est JF encore une fois. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et contre toute attente, on a une section spoiler. C'est pour le film A Dark Song. Donc, si vous l'avez vu, lâchez-vous loose et écoutez-nous. Sinon, je vous conseille vraiment d'aller regarder le film avant de nous écouter, avant d'écouter le segment qui suit, parce qu'on révèle vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et le film vaut vraiment la peine d'être vu sans trop en savoir dessus. Alors, bonne section spoiler et à la prochaine. Je voulais pas qu'on parte sur le prochain épisode parce que j'en ai aucune idée. Ben, non, je pense qu'on avait rien dit, facteur. Souvent, on termine l'épisode en bon, on sait pas ça va être quoi le prochain épisode, on va checker ça, fait qu'on vous en reparle. Ben, c'est ça, je me dis, garde avec le jeu de bord dans le cou, garder son horreur, mais il me semble que ça fait du tac au tac, là, tu sais. Ben ouais. Puis, j'ai compris pourquoi toi, tu pensais que c'était un spoiler, puis pas moi. Parce que moi, je faisais référence aux petites voix de l'autre part de la porte. Oups, ça a coupé. Ouais. Moi, je faisais référence aux petites voix. Ah, ok, ouais. Tu sais, que ça soit son problème ou pas, je trouvais que les petites voix, ils étaient poignantes, tu sais, quand même. Là. Ben, je pense que la manière que tu voulais dire, c'est ça, ce que tu disais, c'était pas un spoiler, mais c'est parce que quand moi et Jeff, on en parlait, on disait qu'est-ce qui motive la femme à faire ce rituel-là, puis qu'elle va dire, puis qu'elle va parler avec derrière la porte. Ben là, je trouvais que ça donnait vraiment l'indice. C'est mère, ben là, c'est sûrement son enfant qui est disparu ou mort. Parce qu'en même temps, moi, ce qu'il venait me chercher dans le film, c'est que c'est pas son enfant, puis elle le sait. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé rough. Ouais. Puis elle joue le jeu pareil, tu sais. Oui! Parce que, tu sais, moi, je vous rappelle, mon frère est décédé, mais moi, je me mets à ma mère, tu sais, qu'il y aurait mon frère qui voudrait y parler, puis il faudrait qu'elle soit assez forte pour lui dire, c'est pas mon gars. C'est okay, hard. Aujourd'hui, après 11 ans, là, mais pas après 1 an, 2 ans, 3 ans, là, non. Le Véro, on est dans spoilers, là. Ouais, Véro, ouais, je sais pas si elle écoute encore. Ouais, mais... Véro, je sais que... On jase de bien des affaires, des fois, par message de film qu'elle a vu ou moi j'ai vu. Puis, Non, mais il y a une affaire que la mère a dit à un moment donné. C'est comme. Tu sais, elle a dit, je sais que c'était pas lui, mais elle a dit, je l'ai entendu sa voix, puis ça m'a tellement. Ouais. Ça m'a tellement bouleversé, puis tout. Juste entendre sa voix. Ouais. Je pense que c'est ça qu'elle voulait, dans le fond, c'est juste l'entendre. Ouais. Mais c'est rough. La scène de la porte est rough, je trouve. Non seulement elle est creepy, mais émotionnellement, en plus, en même temps, elle vient te chercher, là, parce que elle veut l'ouvrir, la porte, ouais, mais elle est assez forte mentalement pour se dire, gars, je le sais que c'est pas lui, je ne vais pas l'ouvrir, la porte. Là. Mais là, tu t'imagines qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Hein? Fait que ce qui veut dire qu'elle savait depuis le début quand même, elle est quand même consciente depuis le début que tout ça, ça va chier son affaire, t'sais, dans le sens où ça sera jamais vraiment son enfant qu'elle va revoir, tu sais. Mais elle a peut-être un petit espoir qu'elle, oui, elle pourrait le revoir pour de vrai, mais elle doit bien se douter que ça ne marchera pas pour. Elle est pas si... Je ne sais pas à quel point qu'elle est croyante. Ben, à un moment donné, elle veut juste vraiment foutre le camp parce qu'elle dit ok, c'est de la bullshit, fuck off. Puis, à un moment donné, le gars, il a refait son speech en disant c'est pas de la merde, je te le jure, ça va fonctionner. Fait, donc, elle a besoin d'être convaincue, c'est ça. C'est con parce qu'à ce moment-là, Même moi, j'étais comme, ok, regardez, Chris, votant, là, ça donne rien, puis t'endures beaucoup. Puis là, quand le gars fait son speech, j'étais comme, ok, non, man, il a peut-être raison, ok, reste. Finalement, t'auras pas tout fait ça pour rien. Il est persuasif. Puis, je sais pas si tu l'as vu, Jeff, mais je viens de le replacer. C'est lui qui joue le chum de la fille, dans le fond, l'acteur principal dans le film Sightseers, par le réalisateur de Kill List. Puis, c'est une comédie noire que Sébastien avait beaucoup aimé, puis qui avait beaucoup parlé. Puis là-dedans, il était écœurant aussi. Je pense que c'est un autre film que t'aimerais beaucoup, ça aussi. Là. Mm-hmm. Je vais checker la fille si elle a joué dans d'autres choses. J'ai l'impression que je l'ai déjà vue. Elle joue dans des téléséries, surtout. Véro, elle dit pas grave. Critical. Elle dit j'écoute les spoilers, mais j'apprécie les films pareil. Ouais, mais... C'est pas que t'apprécies moins un film, je pense que c'est juste que l'effet de surprise ou de bouffée de fraîcheur que ça t'apporte de découvrir des éléments, c'est ça qui fait... Juste poser des questions tout le long du film sans savoir les réponses tout de suite, tu sais. Parce que moi, je savais rien du film, j'ai pas vu de bande-annonce, fait, tu sais, j'écoutais ça, puis chaque fois que je découvrais un nouveau détail sur les rituels ou c'est que ça s'en allait, j'étais comme, waouh, c'est pas le film que je pensais, j'aimais ça, je savais plus trop à un moment donné vers où ça allait s'enligner. Puis, Ouais, mais en même temps... Dans ce genre de cas-là, ça implique souvent un enfant. Oui. Que ce soit un homme ou une femme, ça implique très souvent la mort d'un enfant. C'est ça que je disais au début. C'est pas du sexiste, ça, c'est une fille, c'est son enfant, non? Non, mais j'ai dit dans ma critique que c'était un cliché aussi, cet élément-là. C'est un cliché, là. Ça a raison. Ben, on dirait que depuis Babadook, ou peut-être qu'il y en a eu avant, mais on dirait que c'est à partir de Babadook, un peu ces relations-là, tu sais, puis ça a suivi des genres de films sur. Des films noirs sur. Problèmes d'alcool, problèmes de drogue ou dépression, viol, peu importe. Ouais. Tous les films d'horreur utilisent cette formule-là, mais fuck, ça marche parce que on a des réalisateurs talentueux et différents qui l'exploitent de façon qui fait que ça marche. L'idée de faire une séance pour retrouver un enfant, quelque chose comme ça, qu'il soit mort ou pas, c'est insidieux. T'as eu plein de films comme ça aussi avant. Là, ouais. Mm-hmm. Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu fais pas une séance de spiritualité pour reparler à ta soeur, à ton... Non, c'est ça, c'est un enfant. The Changeling, c'est la même chose. C'est généralement ton enfant. T'es prêt à aller à ces extrêmes-là pour ton enfant. Parce qu'on dirait que, tu sais, ton parent, c'est un deuil. Mais tu sais, ils le disent aussi, là, je pense que vous l'avez sûrement déjà lu, tu sais, perdre un parent, c'est devenir orphelin. Mais perdre un enfant, il n'y a pas de terme pour ça. Non, c'est ça. Souvent, c'est ça. Ouais. C'est soit des enfants, soit des maris femmes, pareil. Parce que quand t'écoutes, c'est un exemple comme ça, mais Ouija, Origin of Evil de Mike Flanagan, quand les filles font des séances avec les gens, mais souvent, c'est des gens qui viennent pour leur mari ou leur femme. Je pensais d'aller dire mon fantôme d'amour. Non. On va aller voir Whoopi Goldberg pour pouvoir parler. Oui, on va aller voir Whoopi Goldberg. Mais c'est une bonne idée, ça. Oui. Oui, je peux comprendre, mais le nœud du film n'est pas là. T'sais, le nœud du film, non. C'est une relation père-fille quand même. Mais en même temps, j'ai l'impression que... Au début, quand c'est mentionné ça, j'ai l'impression que le film va focusser là-dessus. Focusser sur le deuil, la perte d'un enfant, la mère qui veut lui reparler. Mais j'ai l'impression que c'est secondaire, finalement, ça. Le truc de l'enfant, c'est vraiment elle. Son désir de se venger, qui la ronge, puis tous ces trucs-là. J'ai l'impression que c'est vraiment un film concentré sur ce personnage-là et non... Et non, son enfant. C'est sur son évolution personnelle à elle tout le long du film. Ouais. Puis comment est-ce qu'elle va. Oui. Comment sa personnalité va être transformée à la fin, tu sais. Ouais, exact. Mais on en parle, j'ai envie de réécouter. Je pense qu'elle-même est surprise par la demande qu'elle fait à la fin, je pense. Elle s'attendait pas. Ouais. Jusqu'à 5 minutes avant, je pense qu'elle s'attendait pas à faire cette demande-là, tu sais. Ben, moi, je pense que c'est quand elle se retrouve devant qu'elle fait. C'est plus ça que je veux. Ouais. C'est plus ça. Parce que oui, elle a entendu la voix, là, puis elle a, tu sais, c'est correct. Mais elle sait que ça ne sera jamais son fils qu'elle va retrouver, de toute façon. Là. C'est ça, puis souvent, dans ces films-là, tu sais, les personnages ne cachent jamais que c'est pas son enfant, que c'est un démon, quoi que ce soit. Mais là, on dirait, tu sais, c'est comme, je voulais juste entendre sa voix, même si c'est pas la vraie voix, je l'ai entendue, j'ai plus besoin de d'autres choses. J'ai pas besoin de le voir, j'ai pas besoin de le coller. Elle est pas comme le père dans Cimetière Vivant, là. Elle a compris la leçon, tu sais. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça, c'est le pire exemple, faut jamais suivre lui, ce gars-là. Lui, il s'acharne, il comprend pas pendant tout. Le chat, le fils, sa femme, c'est comme, elle arrête de m'amener, tu sais. Il meurt, il va se enterrer lui-même dans le cimetière. Il va mourir enterré, étouffé dans le cimetière, juste pour être sûr de continuer la tradition. Ah, mais ouais, il y a plein d'affaires. C'est ça la différence entre, mettons, exemple, je vais pas faire une grosse comparaison, tu sais, live, c'est du gros divertissement, mais entre des personnages écrits un peu à la boboche ou qui prennent des décisions stupides, puis ce film-là, tu regardes où c'est des personnages vraiment approfondis, bien écrits, puis tu sais, tout le long du film, je remets jamais en question les décisions, tu sais, je suis comme, ça y va être leur feeling ou leur ressentiment, puis... Tu sais, des fois, c'est peut-être pas logique, nous autres, vu qu'on est à jeun, mais elle, après tout ce qu'elle a enduré, tu sais, mentalement... Ouais, c'est vrai que ça peut influencer parce que, je te dirais, là, c'est le gros, gros, gros spoiler, fait que je vais vraiment l'éviter pour Véro, parce que je pense qu'elle veut l'écouter, le film. Mais quand elle le suit la deuxième fois, j'ai quand même fait « La fille, t'es un peu con ». Ben, c'est ça, je disais à Jeff. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, moi, j'ai cru le gars, parce que le gars, il a l'air vraiment comme de focusser. Puis, en même temps, il y a eu des petites choses qui faisaient en sorte que. C'est difficile à dire, parce que il y a des signes, mais est-ce que c'est des coïncidences ou c'est vraiment les signes qui font en sorte que ça marche? C'est. Je sais pas, mais ce gars-là est tellement bon pour t'entraîner dans ses monologues. Il me l'a vendu tout de suite, son personnage, puis le scénario me vend que ce gars-là, c'est un expert. Là, ouais. Mais elle lui dit à plusieurs reprises, « Tu devras attendre. » Puis elle le fait quand même. Est-ce que c'est dû au jeûne, à la fatigue? Elle est tannée, elle est impatiente, elle veut que ça marche, mais je suis comme, « Hey, ma belle, là, celle-là était trop, là. » Mais tu sais, quand ça arrive à ce point-là, il faut se dire que ça fait déjà plusieurs mois qu'il a passé. Elle est tannée aussi, là. Elle a enduré tout ce qu'elle a enduré durant les rituels, puis elle dort pas beaucoup, puis c'est bizarre, là, c'est intense, là. Mais elle veut que ça finisse. Puis tu sais, en même temps, qu'est-ce qu'il lui dit? Même si t'es tannée, t'as pratiquement peur de briser le cercle, puis de sortir, parce qu'au moment où elle veut sortir, sa réaction est comme... Il panique, il est vraiment comme faut vraiment pas briser le cercle. Fait que là, même moi, je me crée une peur à me dire, OK, il y a vraiment de quoi de dangereux si on sort de là. Fait que, je sais pas, man, c'est vraiment bien écrit ce film-là, puis bien acté. Fait que moi, tout fonctionnait. Comme je dis, on en parle là, j'ai juste envie de l'avoir. Je répète encore ce que je dis, mais tu crois à ce qu'il dit, tu l'écoutes, puis ce qu'il dit a du poids. Fait que c'est comme. Tout ce qui l'interdit, tout ce qui est interdit à la femme de faire, tu te dis, OK, il faut pas qu'elle fasse ça. C'est ça qui est, ça marche à fond parce que tu y crois. Fait que tu remets jamais ça en question. Fait que si elle fait quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il dit, tu fais, oh my God, il va se passer de quoi là, parce qu'elle l'a pas écouté. C'est ça, c'est l'aspect réaliste que le film veut absolument toujours être, qui fonctionne autant. Puis, comme tu disais, là, quand ça commence au début, être les. Triangle, puis les petits ronds, puis ça, ce rond-là, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Puis au fur et à mesure que le film avance, tu vois les dessins, puis tout, puis ça devient plus gros, ça devient plus détaillé, puis... Tu sais, je me demande, le gars qui a écrit son film, quand il a fait ça, est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà familier avec la magie noire? Est-ce que, tu sais, les signes qu'on voit dans le film, c'est-tu des trucs qui reflètent une certaine réalité? T'sais? Si c'est tout bidon, puis c'est vraiment inventé, ben chapeau, c'est juste tellement bien fait que tu t'embarques, mais si ça... Ça a une certaine réalité, tu sais, un peu comme le réalisateur de The Witch, que lui, il s'est informé historiquement sur tout pour faire son film, mais je trouve ça intéressant, tu sais. C'est peut-être mais c'est un réalisateur à suivre. Peut-être que lui-même, il en fait, là, on sait peut-être. Pas. Peut-être. C'est génial. Mais non, c'est ça, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire comme deuxième film. Je pense que c'est un réalisateur qui risque peut-être de venir dans la cour des Mike Flanagan et tout ça. Ce serait nice. Comment ils décident de faire des genres différents? Prochain film, une comédie musicale. Ah, mais toi, tu vas pas t'en plaindre, on s'entend. Ben ouais, c'est ça, c'est la suite parfaite! Une carrière si bien lancée! C'est un film, un gros huis clos étouffant, puis on fait un film avec plein de monde, des chorégraphies. Tout joyeux. Un La La Land ou quelque chose comme ça, tu sais. Tout joyeux, tout le monde est heureux, coloré. Là. Avec les mêmes acteurs. Avec les mêmes acteurs. Il fait une portée! Cet acteur-là en héros romantique, j'essaie d'imaginer en héros romantique. Là, il est tout habillé en mou dans ce film-là, puis tout mal arrangé. Tu sais, puis... puis elle, heureuse de la vie, toute bien maquillée, puis souriante. Souriante puis, surtout, parce qu'elle sourit pas dans le film. Ouais. Ah, puis elle loc. Il y a des moments, elle loc, humaine, c'est dur à voir. Là. T'sais, comme elle est souvent couchée sur le côté, puis t'sais, elle mort, puis tu comme, oh, elle a aucune énergie de vivre, elle a aucun désir de vivre. Aucun, là. Puis elle dit, hein, avant de louer la maison, c'est pas arrivé sur un coup de tête, c'est des mois et des mois de, je pense, 2 ans, je me rappelle plus combien, mais beaucoup de préparation avant qu'elle arrive à finalement louer la maison, puis t'sais, elle a sans doute fait justement, ses recherches pendant toutes ces années-là à voir toutes sortes d'occultistes, puis finalement, c'est comme non, puis... Cette section-là, je vais faire une section spoiler à la fin de l'épisode, je pense. Et tout ce qu'on vient de dire depuis 10 minutes, c'est vraiment intéressant. OK. Ouais, ben, c'est ça. Je vais le marquer dans le texte, là, puis je vais le mettre à la fin de l'épisode, là, en faisant un petit enregistrement, petit quelque chose comme tu fais à la séance, là, puis... Ouais, après, c'est vrai. Parce que je pense que ça vaut la peine, c'est vraiment intéressant là, pour ceux qui l'ont vu. C'est dommage que Sébastien n'ait pas été là pour cet épisode-là. Je pense que. Je crois que c'est le genre de film que Sébastien aurait beaucoup aimé, selon moi. Là. Ça a l'air d'être dans sa palette de goût, ça. Mais un je pense qu'il aurait été aussi dans mon côté de l'étouffement. Parce que lui tout, il aime bien le joyful un peu plus. Là. Fait que lui tout, il aurait fait Iiii, Chris, que c'était lourd. Oh oui, définitivement. Ça se situe vraiment dans les, comme Jeff l'a dit, Babadook, mais les Under the Shadow puis ces affaires-là. Là. Qu'est-ce que tu vas faire, le GF? Qu'est-ce que tu fais, là? Non, non, mais je likais le commentaire à Véronique, c'est pour ça. Ah, j'ai quasiment okay. Elle dit jamais assez ça, vous entendre partir sur des chires.